n'a pas de soucis à te faire. Avec moi, y a pas de mystère. Tu peux laisser tes drôles d'idées. Viens avec moi, laisse-toi aller. C'est une croisière sidérale. Un aller simple pour les étoiles. Rien de vraiment très sérieux. Viens avec moi, si t'es curieux. Tu vois ici tes objections. Laisse-toi gagner par la passion. Je te propose une.